Heureusement, le sourire volontairement assoupli de la courtisane, et dont elle savait profaner la courbure idéalement dédaigneuse de ses lèvres, rallia bientôt à elle ceux que la fierté cruelle de son visage aurait épouvanté. Au boulevard, elle promenait ce raccrochant sourire, étalé impudiquement sur ses lèvres rouges. Mais au moment où Tressigny la tenait debout entre ses genoux, elle était sérieuse, et sa tête respirait quelque chose de si étrangement implacable qu'il ne lui manquait que le sabre recourbé aux mains pour que ce dandy de Tressigny pût sans fatuité se croire Holoferne. Il lui prit ses mains désarmées, et il s'en attesta la beauté suzeraine. Elle lui laissait faire silencieusement tout cet examen de sa personne, et elle le regardait aussi, non pas avec la curiosité futile ou sordidement intéressée de ses pareils, qui en vous regardant vous soupèsent comme de l'or suspect. Évidemment, elle avait une autre pensée que celle du gain qu'elle allait faire, ou du plaisir qu'elle allait donner. Il y avait dans les ailes ouvertes de ce nez, aussi expressives que des yeux, et par où la passion, comme par les yeux, devait jeter des flammes, une décision suprême, comme celle d'un crime qu'on va accomplir. Si l'implacabilité de ce visage était, par hasard, l'implacabilité de l'amour et des sens, quelle bonne fortune pour elle et pour moi dans ce temps d'épuisement, pensa Tressigny, qui, avant de s'en passer la fantaisie, la détaillait comme un cheval anglais. Lui, l'expérimenté, le fort critique en fait de femme, qui avait marchandé les plus belles filles sur le marché d'Andrinople et qui savait le prix de la chair humaine, quand elle avait cette couleur et cette densité, jeta pour 2 heures de celle-ci une poignée de louis dans une coupe de cristal bleu, posée à niveau de main sur une console, et qui, probablement, n'avait jamais reçu tant d'or. « Ah, je te plais donc !» s'écria-t-elle audacieusement, et prête à tout, sous l'action du geste qu'il venait de faire, peut-être impatientée de cet examen dans lequel la curiosité semblait plus forte que le désir, ce qui, pour elle, était une perte de temps ou une insolence. « Laisse-moi ôter tout cela, » ajouta-t-elle, comme si sa robe lui eût pesé, et en faisant sauter les 2 premiers boutons de son corsage. Et elle s'arracha de ses genoux pour aller dans le cabinet de toilette d'à côté. Prosaïque détail, voulait-elle ménager sa robe? La robe, c'est l'outil de ses travailleuses. Tressigny, qui rêvait devant ce visage l'inassouvissement de Messaline, retomba dans la plate banalité. Il se sentit de nouveau chez la fille de Paris, malgré la sublimité d'une physionomie qui jurait cruellement avec le destin de celle qui l'avait. « Bah, pensa-t-il encore, la poésie n'est jamais qu'à la peau avec ses drôlesses, et il ne faut la prendre que là où elle est. » Et il se promit de l'y prendre, mais il la trouva aussi ailleurs, et là où, certes, il ne se doutait pas qu'elle fût, la poésie. Jusque-là, en suivant cette femme, il n'avait obéi qu'à une irrésistible curiosité et à une fantaisie sans noblesse. Mais quand celle qui les avait si vite inspirées sortit du cabinet de toilette, où elle était allée se défaire de tous ses caparaçons du soir, et qu'elle revint vers lui, dans le costume qui n'en était pas un, de gladiatrice qui va combattre, il fut littéralement foudroyé d'une beauté que son œil exercé, ses œillets de sculpteur qu'ont les hommes à femmes, n'avait pas au boulevard deviné tout entière, à travers les souffles révélateurs de la robe et de la démarche. Le tonnerre entrant tout à coup, au lieu d'elle, par cette porte, ne l'aurait pas mieux foudroyé. Elle n'était pas entièrement nue, mais c'était pis. Elle était bien plus indécente, bien plus révoltamment indécente que si elle eût été franchement nue. Les marbres sont nus, et la nudité est chaste. C'est même la bravoure de la chasteté. Mais cette fille scélératement impudique, qui se serait allumée elle-même comme une des torches vivantes des jardins de Néron, pour mieux incendier l'essence des hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la corruption, avait combiné la transparence insidieuse des voiles et l'osée de la chair, avec le génie et le mauvais goût d'un libertinage atroce, car qui ne le sait, en libertinage, le mauvais goût est une puissance. Par le détail de cette toilette monstrueusement provocante, elle rappelait à Tressigny cette statuette indescriptible, devant laquelle il s'était parfois arrêté, exposée qu'elle était chez tous les marchands de bronze du Paris d'alors, et sur le socle de laquelle on ne lisait que ce mot mystérieux « Madame Husson ». Dangereux rêve obscène. Le rêve était ici une réalité. Devant cette irritante réalité, devant cette beauté absolue, mais qui n'avait pas la froideur qu'a trop souvent la beauté absolue, Tressigny, retour de Turquie, aurait été le plus blasé des pachas à trois queues qui lui retrouvait l'essence d'un chrétien, et même d'un anachorète. Aussi, quand très dur des bouleversements qu'elle était accoutumée à produire, elle vint impétueusement à lui, et qu'elle lui poussa à hauteur de la bouche l'éventaire des magnificences savoureuses de son corsage, avec le mouvement retrouvé de la courtisane qui tente le sein dans le tableau de Paul Véronèse, Robert de Tressigny, qui n'était pas un saint, eut la fringale de ce qu'elle lui offrait, et il la prit dans ses bras, cette brutale tentatrice, avec une fougue qu'elle partagea, car elle s'y était jetée. Se jetait-elle ainsi dans tous les bras qui se fermaient sur elle? Si supérieure qu'elle fût dans son métier ou dans son art de courtisane, elle fut ce soir-là d'une si furieuse et si hennissante ardeur que même l'emportement de sens exceptionnel ou malade n'aurait pas suffi pour l'expliquer. Était-elle au début de cette horrible vie de fille pour la faire avec une semblable furie? Mais vraiment, c'était quelque chose de si fauve et de si acharné qu'on aurait dit qu'elle voulait laisser sa vie ou prendre celle d'un autre dans chacune de ses caresses. En ce temps-là, ses pareils à Paris, qui ne trouvaient pas assez sérieux le joli nom de Laurette que la littérature leur avait donné et qu'a immortalisé Gavarni, se faisaient appeler orientalement des panthères. Eh bien, aucune d'elles n'aurait mieux justifié ce nom de panthère. Elle en eut ce soir-là la souplesse, les enroulements, les bonds, les écrasements et les morsures. Tressigny put s'attester qu'aucune des femmes qui lui étaient jusque-là passées par les bras ne lui avait donné les sensations inouïes que lui donna cette créature, folle de son corps, à rendre la folie contagieuse. Et pourtant il avait aimé Tressigny. Mais faut-il le dire à la gloire ou à la honte de la nature humaine? Il y a dans ce qu'on appelle le plaisir, avec trop de mépris peut-être, des abîmes tout aussi profonds que dans l'amour. Était-ce dans ces abîmes qu'elle le roula, comme la mer roule un fort nageur dans les siens? Elle dépassa, et bien au-delà, ses plus coupables souvenirs de mauvais sujets, et même jusqu'aux rêves d'une imagination comme la sienne, tout à la fois violente et corrompue. Il oublia tout, et ce qu'elle était, et ce pourquoi il était venu, et cette maison et cet appartement dont il avait eu presque, en y entrant, la nausée. Positivement, elle lui soutira son âme à lui, dans son corps à elle. Elle lui enivra jusqu'au délire, des sens difficiles à griser. Elle le combla enfin de telle volupté qu'il arriva un moment où l'athée à l'amour, le sceptique à tout, eut la pensée folle d'une fantaisie éclose tout à coup dans cette femme, qui faisait marchandise de son corps. Oui, Robert de Tressigny, qui avait presque dans la trempe la froideur d'acier de son patron, Robert Lovelace, crut avoir inspiré au moins un caprice à cette prostituée, qui ne pouvait être ainsi avec tous les autres, sous peine de bientôt périr consumée. Il le crut 2 minutes, comme un imbécile, cet homme si fort. Mais la vanité qu'elle avait allumée, au feu d'un plaisir cuisant comme l'amour, eut soudainement entre deux caresses le petit frisson d'un doute subit. Une voix lui cria du fond de son être. « Ce n'est pas toi qu'elle aime en toi !» Car il venait de la surprendre, dans le temps où elle était le plus panthère et le plus souplement nouée à lui, distraite de lui et toute perdue dans l'absorbante contemplation d'un bracelet qu'elle avait au bras, et sur lequel Tressigny avisa le portrait d'un homme. Quelques mots en langue espagnole, que Tressigny, qui ne savait pas cette langue, ne comprit pas, mêlés à ses cris de Bacchante, lui semblèrent à l'adresse de ce portrait. Alors l'idée qu'il posait pour un autre, qu'il était là pour le compte d'un autre, ce fait malheureusement si commun dans nos misérables mœurs, avec l'état surchauffé et dépravé de nos imaginations, ce dédommagement de l'impossible dans les âmes enragées qui ne peuvent avoir l'objet de leurs désirs et qui se jettent sur l'apparence, se saisit violemment de son esprit et le glaça de férocité. Dans un de ces accès de jalousie absurde et de vanité tigre dont l'homme n'est pas maître, il lui saisit le bras durement et voulut voir ce bracelet qu'elle regardait avec une flamme, qui certainement n'était pas pour lui, quand tout de cette femme devait être à lui dans un pareil moment. « Montre-moi ce portrait, lui dit-il, avec une voix encore plus dure que sa main. » Elle avait compris, mais sans orgueil. « Tu ne peux pas être jalie d'une fille comme moi, lui dit-elle. » Seulement, ce ne fut pas le mot de fille qu'elle employa. Non, à la stupéfaction de Tressigny, elle se rima elle-même en tin, comme un crocheteur qui l'aurait insultée. « Tu veux le voir, ajouta-t-elle, eh bien, regarde. » Et elle lui coula près des yeux son beau bras fumant encore de la sueur enivrante du plaisir auquel il venait de se livrer. C'était le portrait d'un homme laid, chétif, au teint olive, aux yeux noirs jeunes, très sombres, mais non pas sans noblesse, l'air d'un bandit ou d'un grand d'Espagne. Et il fallait bien que ce fût un grand d'Espagne, car il avait au cou le collier de la toison d'or. « Où as-tu pris cela ?» fit Tressigny, qui pensa. « Elle va me faire un conte, elle va me débiter la séduction d'usage, le roman du premier, l'histoire connue qu'elle débite toute. »« Pris » répartit-elle révoltée. « C'est bien lui, por Dios, Qui me l'a donné ? Qui, lui ? Ton amant, sans doute, dit Tressigny. Tu l'auras trahi, tu t'auras chassé et tu auras roulé jusqu'ici. Ce n'est pas mon amant, fit-elle froidement, avec l'insensibilité du bronze, à l'outrage de cette supposition. Peut-être ne l'est-il plus, dit Tressigny. Mais tu l'aimes encore, je l'ai vu tout à l'heure dans tes yeux. Elle se mit à rire amèrement. Ah, tu ne connais donc rien à l'amour ni à la haine ? S'écria-t-elle. Aimer cet homme, mais je l'exècre, c'est mon mari. Ton mari ? Oui, mon mari, fit-elle, le plus grand seigneur des Espagnes. 3 fois duc, 4 fois marquis, 5 fois comte, grand d'Espagne à plusieurs grandesses, toison d'or. Je suis la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. Tressigny, presque terrassé par ces incroyables paroles, n'eut pas le moindre doute sur la vérité de cette renversante affirmation. Il était sûr que cette fille n'avait pas menti. Il venait de la reconnaître. La ressemblance qui l'avait tant frappée au boulevard était justifiée. Il l'avait rencontrée déjà, et il n'y avait pas si longtemps. C'était à Saint-Jean-de-Luz, où il était allé passer la saison des bains une année. Précisément, cette année-là, la plus haute société espagnole s'était donné rendez-vous sur la côte de France, dans cette petite ville qui est si près de l'Espagne qu'on s'y rêverait en Espagne encore, et que les Espagnols les plus épris de leur péninsule peuvent y venir en villégiature, sans croire faire une infidélité à leur pays. La duchesse de Sierra Leone avait habité tout un été cette bourgade, si profondément espagnole par les mœurs, le caractère, la physionomie, les souvenirs historiques, car on se rappelle que c'était là que furent célébrées les fêtes du mariage de Louis XIV, le seul roi de France qui, par parenthèse, ait ressemblé à un roi d'Espagne, et que c'est là aussi que vint échouer, après son naufrage, la grande fortune dématée de la princesse des Ursins. La duchesse de Sierra Leone était alors, disait-on, dans la lune de miel de son mariage, avec le plus grand et le plus opulent seigneur de l'Espagne. Quand de son côté Tressigny arriva dans ce nid de pêcheurs, qui a donné les plus terribles flibustiers au monde, elle y était en face qu'on n'y connaissait plus depuis Louis XIV, et parmi ces basquaises, qui en fait de beauté ne craignent la rivalité de personne, avec leurs tailles de scaléphores antiques et leurs yeux d'aigue marine, si pâlement perses, une beauté qui pourtant terrassait la leur. Attirée par cette beauté, et d'ailleurs d'une naissance et d'une fortune, à pouvoir pénétrer dans tous les mondes, Robert de Tressigny s'efforça d'aller jusqu'à elle, mais le groupe de sociétés espagnoles, dont la duchesse était la souveraine, strictement fermé cette année-là, ne s'ouvrit à aucun des Français qui passèrent la saison à Saint-Jean-de-Luz. La duchesse, entrevue de loin, ou sur les dunes du rivage, ou à l'église, repartit sans qu'il pût la connaître, et pour cette raison, elle lui était restée dans le souvenir, comme un de ces météores, d'autant plus brillants dans notre mémoire, qu'ils ont passé et que nous ne les reverrons jamais. Il parcourut la Grèce et une partie de l'Asie. Mais aucune des créatures les plus admirables de ces pays, où la beauté tient tant de place qu'on ne conçoit pas le paradis sans elle, ne put lui effacer la tenace et flamboyante image de la duchesse. Eh bien, aujourd'hui, par le fait d'un hasard étrange et incompréhensible, cette duchesse, admirée un instant et disparue, revenait dans sa vie par le plus incroyable des chemins. Elle faisait un métier infâme. Il l'avait achetée. Elle venait de lui appartenir. Elle n'était plus qu'une prostituée. Et encore de la prostitution la plus basse, car il y a une hiérarchie jusque dans la famille. La superbe duchesse de Sierra Leone, qu'il avait rêvé et peut-être aimé, le rêve étant si près de l'amour dans nos âmes, n'était plus, était-ce bien possible, qu'une fille du pavé de Paris. C'était elle qui venait de se rouler dans ses bras tout à l'heure, comme elle s'était roulée probablement la veille dans les bras d'un autre, le premier venu comme lui, et comme elle se roulerait encore dans les bras d'un troisième demain, et qui sait, peut-être dans une heure. Ah, cette découverte abominable le frappait à la poitrine et au front d'un coup de massue de glace. L'homme en lui qui flambait, il n'y avait qu'une minute, qui dans son délire croyait voir courir du feu jusque sur les corniches de cet appartement, embrasé par ses sensations, restait désénivré, transi, écrasé. L'idée, la certitude que c'était là réellement la duchesse de Sierra Leone n'avait pas ranimé ses désirs, éteint aussi vite qu'une chandelle qu'on souffle, et ne lui avait pas fait remettre sa bouche, avec plus d'avidité que la première fois, au feu brûlant où il avait bu à pleine gorgée. En se révélant, la duchesse avait emporté jusqu'à la courtisane. Il n'y avait plus ici pour lui que la duchesse. Mais dans quel état ? Souillée, abîmée, perdue, une femme à la mer, tombée de plus haut que du rocher de Leucade, dans une mer de boue, immonde et dégoûtante, à ne pouvoir l'y repêcher. Il la fixait d'un œil hébété, assise droite et sombre, métamorphosée et tragique, de Messaline changée tout à coup, il ne savait en quelle mystérieuse Agrippine, sur l'extrémité du canapé, où ils s'étaient vautrés tous deux, et l'envie ne le prenait pas de la toucher du bout du doigt. Cette créature dont il venait de pétrir avec des mains idolâtres les formes puissantes pour s'attester que c'était bien là ce corps de femme qui l'avait fait bouillonner. Que ce n'était pas une illusion, qu'il ne rêvait pas, qu'il n'était pas fou. La duchesse, en émergeant à travers la fille, l'avait anéanti. « Oui, lui dit-il d'une voix qui s'arracha de la gorge où elle était collée. Tout ce qu'il avait entendu l'avait strangulé. Je vous crois, il ne la tutoyait déjà plus, car je vous reconnais. Je vous ai vu à Saint-Jean-de-Luz il y a 3 ans. » À ce nom, rappelé de Saint-Jean-de-Luz, une clarté passa sur le front qui venait pour lui de s'envelopper avec son incroyable aveu, dans de si prodigieuses ténèbres. « Ah, dit-elle, sous la lueur de ce souvenir, j'étais alors dans toutes les ivresses de la vie, et à présent... » L'éclair était déjà éteint, mais elle n'avait pas baissé sa tête volontaire. « Et à présent, dit Tressigny, qui lui fit écho. « À présent, reprit-elle, je ne suis plus que dans l'ivresse de la vengeance. Mais je la ferai assez profonde, ajouta-t-elle, avec une violence concentrée. » Pour y mourir dans cette vengeance comme les mosquitos de mon pays, qui meurent gorgés de sang dans la blessure qu'ils ont faite. Et lisant sur le visage de Tressigny, « Vous ne comprenez pas, dit-elle, mais je m'en vais vous faire comprendre. Vous savez qui je suis, mais vous ne savez pas tout ce que je suis. Voulez-vous le savoir? Voulez-vous savoir mon histoire? Le voulez-vous? Reprit-elle avec une insistance exaltée. Moi, je voudrais la dire à tous ceux qui viennent ici. Je voudrais la raconter à toute la terre. J'en serais plus infâme, mais j'en serais mieux vengé. Dites-la, fit Tressigny, crocheté par une curiosité, et un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti à ce degré, ni dans la vie, ni dans les romans, ni au théâtre. Il lui semblait bien que cette femme allait lui raconter de ces choses comme il n'en avait pas entendu encore. Il ne pensait plus à sa beauté. Il la regardait, comme s'il avait désiré assister à l'autopsie de son cadavre. Allait-elle le faire revivre pour lui ? « Oui, reprit-elle, j'ai voulu bien des fois déjà la raconter à ceux qui montent ici. Mais ils n'y montent pas, disent-ils, pour écouter des histoires. Lorsque je la leur commençais, ils m'interrompaient où ils s'en allaient, brutes repues de ce qu'elles étaient venues chercher. Indifférents, moqueurs, insultants, ils m'appelaient menteuse ou bien folle. Ils ne me croyaient pas, tandis que vous, vous me croirez. Vous m'avez vue à Saint-Jean-de-Luz, dans toutes les gloires d'une femme heureuse, au plus haut sommet de la vie. » Portant comme un diadème ce nom de Sierra Leone, que je traîne maintenant à la queue de ma robe, dans toutes les fanges, comme on traînait à la queue d'un cheval autrefois le blason d'un chevalier déshonoré. Ce nom que je hais, et dont je me pare que pour l'avilir, est encore porté par le plus grand seigneur des Espagnes, et le plus orgueilleux de tous ceux qui ont le privilège de rester couverts devant Sa Majesté le roi, car il se croit 10 fois plus noble que le roi. Pour le duc d'Arcos de Sierra Leone, que sont toutes les illustres maisons qui ont régné sur les Espagnes? Castille, Aragon, Transtamar, Autriche et Bourbon? Il est, dit-il, plus ancien qu'elle. Il descend, lui, des anciens rois goths, et par Brunehilde, il est allié aux Mérovingiens de France. Il se pique de n'avoir dans les veines que de ce sang azul, dont les plus vieilles races dégradées par des mésalliances n'ont plus maintenant que quelques gouttes. Don Cristoval d'Arcos, duc de Sierra Leone et Otros du Cados, ne c'était pas lui mes alliés en m'épousant. Je suis une Turcremata de l'ancienne maison des Turcremata d'Italie, la dernière des Turcremata, race qui finit en moi, bien digne du reste de porter ce nom de Turcremata, tour brûlé, car je suis brûlé à tous les feux de l'enfer. Le grand inquisiteur Torquemada, qui était un Turcremata d'origine, a infligé moins de supplices pendant toute sa vie qu'il n'y a dans ce saint maudit. Il faut vous le dire que les Turcremata n'étaient pas moins fiers que les Sierra Leone. Divisés en 2 branches également illustres, ils avaient été durant des siècles tout puissants en Italie et en Espagne. Au XVe, sous le pontificat d'Alexandre VI, les Borgia, qui voulurent dans leur enivrement de la grande fortune de la papauté d'Alexandre, s'apparenter à toutes les maisons royales de l'Europe, se dirent nos parents, mais les Turcremata repoussèrent cette prétention avec mépris. Et 2 d'entre eux payèrent de leur vie cette audacieuse hauteur. Ils furent, dit-on, empoisonnés par César. Mon mariage avec le duc de Sierra Leone fut une affaire de race à race. Ni de son côté ni du mien, il n'entra de sentiment dans notre union. C'était tout simple qu'une Turcremata épousa un Sierra Leone. C'était tout simple même, pour moi, élevé dans la terrible étiquette des vieilles maisons d'Espagne, qui représentait celle de l'Escurial, dans cette dure et compressive étiquette qui empêcherait les cœurs de battre, si les cœurs n'étaient pas plus forts que ce corset de fer. Je fus un de ces cœurs-là. J'aimais Don Esteban. Avant de le rencontrer, mon mariage sans bonheur de cœur, j'ignorais même que j'en eusse un, fut la chose grave qu'il était autrefois dans la cérémonieuse et catholique Espagne, et qui ne l'est plus à présent, que par exception dans quelques familles de haute classe qui ont gardé les mœurs antiques. Le duc de Sierra Leone était trop profondément espagnol pour ne pas avoir les mœurs du passé. Tout ce que vous avez entendu dire en France de la gravité de l'Espagne, de ce pays altier, silencieux et sombre, le duc l'avait et l'outrepassait. Trop fier pour vivre ailleurs que dans ses terres, il habitait un château féodal, sur la frontière portugaise, et il s'y montrait dans toutes ses habitudes plus féodal que son château. Je vivais là, près de lui, entre mon confesseur et mes caméristes, de cette vie somptueuse, monotone et triste, qui aurait écrasé d'ennui tout homme plus faible que la mienne. Mais j'avais été élevé pour être ce que j'étais, l'épouse d'un grand seigneur espagnol. Puis j'avais la religion d'une femme de mon rang, et j'étais presque aussi impassible que les portraits de mes aïeuls qui ornaient les vestibules et les salles du château de Sierra Leone, et qu'on y voyait représentés, avec leurs grandes mines sévères, dans leurs gardes infants et sous leurs busques d'acier. Je devais ajouter une génération de plus à ces générations de femmes irréprochables et majestueuses, dont la vertu avait été gardée par la fierté comme une fontaine par un lion. La solitude dans laquelle je vivais ne pesait point sur mon âme, tranquille comme les montagnes de marbre rouge qui entourent Sierra Leone. Je ne soupçonnais pas que sous ces marbres dormait un volcan. J'étais dans les limbes d'avant la naissance. Mais j'allais naître et recevoir d'un seul regard d'homme le baptême de feu. Don Esteban, marquis de Vasconcelos, de race portugaise, et cousin du duc, vint à Sierra Leone. Et l'amour, dont je n'avais eu l'idée que par quelques livres mystiques, me tomba sur le cœur, comme un aigle tombe à pic sur un enfant, qui l'enlève et qui crie. Je criais aussi,